Deux soirées à la fois brutes et sensuelles par Fred Griot et ses musiciens. Une occasion privilégiée de découvrir un des meilleurs poètes performeurs de la francophonie. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Bruno et Michel, jusqu'à minuit, deux bonnes heures. Je sais que c'est exactement la bonne occasion, étant donné que c'est pas chaud dehors. Installez-vous confortablement et laissez-vous gâter deux heures de bon rock progressif. On va commencer ce soir avec... Comedy of Errors, ça c'est un groupe écossais qui va nous visiter le 21 mai dans le cadre de la convention Terra Incognita, 13e édition en passant, j'espère que ça va porter chance. Et c'est le 21 mai, donc je disais oui c'est ça, la même journée que Il Paradiso degli Orchi et Hudson Hatton, et le samedi, parce que le 21 mai, c'est un dimanche. Donc, le samedi 20 mai, on va recevoir Eden Song, Universal Effect et Glasshammer. Foutu de belle fin de semaine en perspective. Évidemment, il reste encore des billets, aucun problème. Et puis, je te pourrais employer le mot poste, mais on place sur la page Facebook de Terra Incognita des nouvelles de temps à autre. C'est que je vous invite à aller faire un tour. Pour faciliter les choses, vous pouvez toujours faire page Facebook Terra Incognita Festival Prog. Ça vous évite des recherches parce qu'il y a des pages Facebook de Terra Incognita. Je me suis rendu compte qu'il y en avait comme plus d'une. Donc, avec le mot-clé Festival Prog, mais vous tombez direct sur la page Facebook de Terra Incognita. On commence donc avec Comedy of Error, un groupe écossais qui va nous visiter le 21 mai, comme je disais, de leur album Fanfare and Fantasy. Et puis, ben, on a plein d'autres choses ce soir. Nouveauté italienne, Sailor Noise, des genoux qui nous arrivent avec un excellent premier disque produit par Fabio Suventi, évidemment, et Brett Cool de Ecoline qui nous arrive avec un nouveau disque solo, et bien d'autres choses. Donc, Bruno et Michel ce soir jusqu'à minuit. We'll be right back. not content to live your life like some other battery hen. You sell your soul for someone else's gold.

forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto. Senza in festa, sono solo l'ombra della luce. We'll be right back. Ça nous vient d'Italie. Vous l'avez pas remarqué par la langue. Le groupe a pour nom Crista d'Oro. C'est un projet, j'oserais pas dire éphémère, parce qu'on sait pas ce que... S'il y a une bonne réponse, peut-être que des gars vont renouveler l'expérience. C'est des musiciens italiens qui ont décidé de revisiter leur patrimoine de chansons pop italiennes et de les servir à la sauce un peu plus progressive. On retrouve dans le groupe notamment Fabio Zuventi et aussi, je pense qu'il y a le claviériste de Not a Good Sign. Enfin, il y a ces 4-5 musiciens italiens qui ont voulu rendre hommage aux auteurs pop italiens. Et moi, j'adore ce disque-là. Et en lire, je pense que probablement qu'il y a des auteurs qui vont reconnaître leurs pièces, mais ils vont être peut-être un peu surpris par les arrangements. Et la pièce qu'on a écoutée d'ailleurs, c'est une composition de Battiato, je pense, et puis ils ont donné comme une espèce de petit cachet scandinave, pas loin d'Anecdoton, je trouve. Et bon, on avait avant, en tout cas, je vais le renommer, Crista d'Oro. L'album a pour titre Crista d'Oro. Et c'est le nom de famille du batteur qui est apparemment, ce qu'on m'a dit, qui était assez connu en Italie, mais surtout sur la scène musicale punk. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce disque-là. Il n'y a aucun lien avec la scène punk. Donc, Crista d'Oro, je cherche le super groupe, mais en tout cas, la réunion de musiciens italiens là, hein, qui nous arrive avec un projet un peu dans le style de ce que d'ailleurs Fabio Zuventi avait déjà fait, ça avec des trames sonores d'émissions de télévision italienne. Et le parallèle est assez moi je pense que ça se tient, je pense que Fabio serait d'accord pour dire que oui, effectivement c'est la même idée mais appliquée sur un autre thème. Tout juste avant, on avait aussi Brett Cool, multi-instrumentiste, réalisateur, mixeur de Ecoline, qui nous arrive avec son quatrième disque solo, Open Skies Exploding. Cellar Noise, on parlait de Fabio, mais c'est lui qui a signé la réalisation de Cellar Noise, un groupe de Milan, sauf erreur, avec un disque, son premier disque, A Light. Et on avait amorcé avec Comedy of Errors d'Écosse, qui vont nous visiter, je le rappelle, le 21 mai au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre du festival Terrain Incognita. Eh bien, déjà une première demi-heure de passé. J'attends un peu. On va aller faire un petit tour du côté du Brésil, cette fois-ci, avec un jeune qui m'a surpris, talentueux. Gustavo... Attends un peu, j'ai de la misère à me relire, c'est pas drôle. Gustavo Santiago. Le titre du disque, c'est Gustavo Santiago aussi. Ça nous arrive du Brésil. Un jeune homme qui, à regarder par la photo, là, doit avoir 17 dans ce coin-là, là, pas plus que ça. Mais belle surprise, une belle découverte. Il y a une belle relève ici. Là, ça nous vient du Brésil. C'est ce qu'on écoute à l'instant. Gustavo Santiago. Thank you.

Faded the days of the love, promise.

laughter distracts me. Long hours in the park, you try not to smile, it still attracts me. Stupid questions that I should ask. One comes to mind, did you ever find what you left me for? Until you catch me. Un retour après 22 ans, Ancient Veil, groupe italien, et oui, qui avait présenté un premier disque il y a 22 ans. Il faut croire que les gars n'étaient pas trop pressés, mais ils nous reviennent quand même avec quelque chose de bon, ça s'appelle I'm Changing. Avant, on avait... Ça nous vient de Norvège, et j'adore ce groupe-là, Oak, d'album Lighthouse. Il y avait aussi Comedy of Errors, de leur plus récent, Spirit. Comedy of Errors, qui, je vous rappelle, va être au Centre d'art La Chapelle dans le cadre du Festival Terra Incognita le 21 mai. Ils vont nous présenter d'ailleurs un nouveau disque. Ils travaillent beaucoup et espèrent arriver avec le nouveau disque en main le 21 mai. Je sais qu'ils sont en studio présentement. J'échange avec deux musiciens du groupe et puis c'est assez intense comme travail, je pense, qu'ils font. Ils veulent vraiment réussir à boucler et arriver avec un nouveau disque en main. Donc, Comedy of Error, on avait aussi les Américains Evership, de l'album Evership, et on avait amorcé avec Cellar Noise, un jeune groupe italien produit par Fabio Zuventi, premier album qui a pour titre All Right. A Light, excusez. Ça vous donne une petite idée à quel point j'écris bien. A Light. On va aller faire un tour du côté de l'Allemagne cette fois-ci pour notre dernière demi-heure. On commence avec Iceberg, mais pas le Ice, I-C-E-B-E-R-G. C'est un jeu de mots avec Ice, E-Y-E-S-Berg. Iceberg, de l'album Masquerade. Tant de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita, Michel et Bruno, jusqu'à minuit. Thank you. laugh at me and come and take a look at my life. Come and take a look at my life. I've got faith in my futility, and I'm so sure of your insincerity. star skyline silhouette. One last bridge to cross. Castle gates on misty shore. Sentry pirouette. One last bridge to cross. Roulement de tambour. Un petit clin d'œil aux années 70, parce que l'autoroute s'en vient. Et Vincent, d'ailleurs, est en train de s'installer tranquillement. John Ozzy, un groupe qui a signé quelques bons disques au début des années 70, en plein dans la vague progressive britannique, mais qui est passé peut-être un petit peu sous le radar. On n'a pas beaucoup de fans de John Ozzy à Québec. Moi, en tout cas, j'en suis un, mais je peux y compter sur le bout d'un doigt. Et puis, on avait avant, ça nous vient de Norvège, Shaman Elephant, de leur album Crystals. Et on avait donné le coup d'envoi avec Iceberg, d'Allemagne, de l'album Masquerade. C'est déjà le temps de vous dire bonsoir. Restez des nôtres, évidemment, comme je le disais tantôt. Vincent vient d'arriver, il s'installe pour l'autoroute. Et puis nous, on va vous laisser avec Brett Cole de son disque solo Open Skies Exploding. Et on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita. Under the biggest sky I've ever heard. It was quiet as hell. And held us as one. In the canyons that poured below the blue, spilling round us, so high and so low. You were there, the words in the sand. I held your eyes, I don't understand. The sun in your clothes, the light in the wind. We gave up our fear and let go to a promise that was marked by the waves. Things they are falling.